بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل دراستنا في القواعد المثلى سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعد وصلنا إلى القاعدة الثالثة من هذه القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي القاعدة الثالثة قال فيها صفة الله تعالى تنقسم إلى قسمين إلى قسمين ثبوتية وسلبية ثبوتية وسلبية قال فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول على السماء أو إلى السماء الدنيا والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل بدليل السمع والعقل كما يأتي كلام في ما يليه إن شاء الله. Donc on va continuer, Inch'Allah, sans plus attendre, sur l'étude des règles exemplaires concernant les noms et les attributs divins. Et donc on est arrivé à la troisième règle concernant les attributs. Dans la dernière assise, on a terminé par la grâce d'Allah l'étude de la deuxième règle concernant les noms. Concernant les noms, on a appris sept règles. Donc le cœur a commencé son œuvre avec l'évocation de sept règles concernant Al-Asma Al-Husna. Ensuite, après avoir évoqué les sept règles concernant Al-Asma Al-Husna, l'auteur débute sur l'évocation de règles, de Qawaid, concernant les attributs. Et donc, on a étudié les deux premières règles, à savoir que l'auteur nous a enseigné dans la première règle que tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des attributs de perfection, et on a bien détaillé cette question, et l'auteur nous a enseigné que cela est indiqué par les preuves scripturaires, c'est-à-dire textuelles, al-adillatu sam'iyya, et aussi les preuves al-aqliyya, rationnelles, et aussi la nature innée, la prédisposition humaine, indique cela, la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tous les attributs d'Allah sont des attributs, on appelle sifatu kamal, des attributs de perfection. Ça, c'était dans la première règle concernant as-sifat, les attributs. Dans la deuxième règle qu'on a apprise, on a appris que bab as-sifat awsa min bab al-asma, que le domaine des attributs est plus vaste que le domaine des noms. Et ça, c'était la dernière leçon qu'on a apprise. Et dans cette leçon, l'auteur nous a enseigné des enseignements immensément importants et pertinents concernant as-sifat, les attributs. Aujourd'hui, on commence l'étude d'une nouvelle règle, et là, l'auteur nous enseigne Al-Qa'idatu Thalitha, Al-Awahu Asher Mohammed ibn Salih Al-Athaymin, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Dans la troisième règle, il nous enseigne que les attributs d'Allah se divisent en deux catégories. Il va citer deux catégories d'attributs. Ce qu'on appelle Al-Thubutiyya ou Al-Salbiyya. Al-Thubutiyya ou Al-Salbiyya. Il dit donc, il va nous enseigner deux sortes et deux catégories d'attributs. des attributs qu'on appelle des attributs affirmés, plus précisément, plus littéralement, des attributs d'affirmation, des attributs d'affirmation, et deuxième catégorie, des attributs de négation, négatifs, des attributs de négation, c'est-à-dire traduit par des attributs négatifs. Et donc, de ce fait, cette leçon est immensément importante et Al-Munasaba est apparente Zahira. L'ordre est très pertinent. D'abord que l'auteur nous a appris que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tous des attributs de perfection. Ensuite, qu'il nous apprend que le domaine des attributs est Aoussa, plus vaste que le domaine des noms. Et maintenant, il nous enseigne une subdivision. Il va citer une subdivision, qu'il y a une catégorie d'attributs maintenant, une fois qu'on a appris qu'ils sont tous parfaits et que le domaine des attributs est plus vaste, maintenant il nous enseigne différentes catégories d'attributs. Premièrement, il dit qu'il y a une catégorie d'attributs qu'on appelle des attributs d'affirmation. Deuxièmement, des attributs de négation. Qala al-Musannif. Il nous dit concernant la première catégorie, ma athbatahu Allahu ta'ala li nafsihi fi kitabi. Les attributs d'affirmation, qui traduisent aussi les attributs affirmés, ce sont ceux qu'Allah, glorifié soit-il, a affirmé à son sujet. Ceux qu'Allah s'est affirmé pour lui-même, dans le Coran ou à travers la parole de son envoyé, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a des attributs qui sont des attributs d'affirmation, de confirmation, c'est-à-dire qu'Allah jalla wa ala les a affirmés. Pour ça, il les appelle comme ça, thubutiyya. C'est-à-dire qu'Allah les a affirmés pour lui-même, dans son livre ou par son envoyé. Et ce sont tous des attributs parfaits, comme on l'a appris dans la première règle. Ce sont tous des attributs parfaits. Regardez ce qu'il dit. Wa kullu sifatu kamal. Il fait allusion à la première leçon qu'on a appris, la première règle. Lorsqu'on dit, qu'est-ce que ça sous-entend lorsqu'on dit sifatu kamal? L'auteur va détailler très brièvement. C'est quoi sifat al-kamal? Les attributs de perfection. On l'a appris dans la première règle, ça veut dire la naqsa fiha bi wajhin min al-wujuh. Ce sont des attributs de perfection. Il n'y a rien en eux qui ne soit imparfait sous quelque forme que ce soit. Dans ce sens-là. Quel que soit l'aspect, quel que soit al-wajh, comme il est dit littéralement en arabe, tous ces attributs ne dénotent en rien une quelconque imperfection. Ce sont des attributs de perfection. Et de ce fait, ces attributs-là qu'on appelle des attributs affirmés, maintenant on peut rester sur le terme en arabe, as-sifat al-thubutiyya. As-sifat al-thubutiyya. Alors l'auteur nous dit, ce sont des attributs parfaits, il n'y a rien en eux qui ne soit imparfait, quelle que soit la forme. Ainsi, il va citer par exemple, des attributs qui sont considérés comme as-sifat al-thubutiyya. Par exemple, il dit à titre d'exemple qu'al hayati wa al-ilmi wa al-qudrati wa al-istiwa'i ala al-arsh wa al-nuzuli ila al-sama'i al-dunya wa al-wajhi wa al-yadayn wa nahwi dhalik. Par exemple, les attributs confirmés pour Allah Azza wa Jal, que lui-même a confirmé pour lui-même et confirmé par son envoyé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de manière authentique, comme l'attribut de la vie, al-hayat, l'attribut de la vie, l'attribut lié au savoir, al-ilm, l'attribut de al-qudra, la puissance, la capacité, tout ça sont des attributs, al-istiwa, al-arj, par exemple, le fait qu'Allah Azza wa Jal s'est élevé, établi au-dessus de son trône, wal-nuzul, ilas-sama, id-dunya, comme on avait bien détaillé dans la dernière assise, l'attribut de la descente. L'attribut, par exemple, de la descente. Par exemple, on avait dit, l'attribut de la descente fait partie des attributs qu'on avait appris hier, dont on n'a pas le nom, comme sifat al-maji, ou sifat al-itian, ou sifat al-nuzul. Par exemple, on avait cité à titre d'exemple, dans la dernière assise, sifat, par exemple, al-irada, yuridu Allahu bikumul al-yusr, wa la yuridu bikumul usr. Allah veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Donc Allah veut. Sauf que ces attributs-là comme Al-Nuzul, on avait appris hier, ou Al-Ityan, Walmaji, Waja Arabbuk, par exemple. Walmaji, on n'a pas le nom. C'est pour cela que ça, on l'avait appris dans la deuxième règle du fait que Bab Sifat Aoussa est plus vaste que Bab al-Asma. Puisqu'on avait appris que chaque nom divin induit, sous-entend un attribut. Mais pas à l'inverse. Il y a des attributs de perfection, mais on n'a pas forcément le nom. Comme on l'a appris dans la deuxième règle. Là, l'auteur nous cite encore des exemples d'attributs. Il nous dit par exemple l'attribut de la vie, l'attribut de la science, l'attribut de la puissance, l'attribut de l'istiwa, l'attribut de la descente, l'attribut du visage, l'attribut des deux mains. Et il dit, et comme cela, tout cela sont des attributs affirmés. Allah les a affirmés pour lui-même. Ainsi que l'envoyé d'Allah Azza wa Jalla, le prophète Mohammed sallam, les a affirmés. S'ils sont affirmés, alors le croyant ne peut que les affirmer. Parce que les nier, ça sera nier ce qu'Allah Azza wa Jalla a affirmé. Vous comprenez pourquoi les savants ne peuvent pas nier. Ils enseignent l'affirmation. Donc, bien sûr, il y a, comme on va voir, des attributs qu'il faut nier. Parce que pour affirmer la perfection du Créateur, c'est ça, parmi les bienfaits de la croyance au nom et aux attributs, troisième catégorie de Tawhid, c'est d'affirmer la perfection pour Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay, c'est lui qui détient la perfection absolue, subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça fait partie du Tawhid, du monothéisme. D'affirmer la perfection pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que la perfection, comme on va le voir, on ne peut pas attribuer la perfection à Allah azza wa jalla sans, premièrement, affirmer ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même ainsi que son envoyé, mais aussi nier certains attributs de négation. Puisqu'il y a aussi des attributs de négation qu'il faille nier, comme on va le voir dans la deuxième catégorie. C'est pour ça que c'est très pertinent que l'auteur nous enseigne cela. Il nous dit, pour ça, dans l'explication, lorsqu'il dit al-qa'idatu thalitha, la troisième règle, dans l'explication, il dit min qawa'id as-sifat. C'est-à-dire que cette règle-là qu'on est en train d'apprendre, dans la subdivision d'attributs, ça fait partie, c'est l'une des règles, parmi les règles, des attributs. Cheikh, il dit, dans l'explication, lorsqu'il dit que il y a des attributs d'affirmation et des attributs de négation, c'est-à-dire des attributs affirmés et niés. Hadihi nusammiha, il dit hadihi nusammiha sifatin thubutiya. ثم الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين. Il dit, c'est, on a commencé par la première sorte que Cheikh a cité, les attributs d'affirmation. Donc jusque-là, on a compris, comme on l'a dit précédemment, les attributs d'affirmation, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal s'est affirmé à son sujet pour lui-même, et ce que le messager d'Allah Sallallahu Alaihi Wasallam a affirmé pour Allah Subhanahu wa Ta'ala comme attribut. Il a donné des exemples. Et on a appris que tous ces attributs sont des attributs de perfection. Et à titre d'exemple, on a dit sifat al-haya wa sifat al-ilm wa al-qudra wa al-istiwa wa al-nuzul ila akhiri wa al-yadayn wa al-wajh, par exemple. Ensuite, dans l'explication, puisqu'on avait dit que Shumra Thamin est l'auteur du texte, de l'œuvre, mais aussi l'auteur de l'explication, il a fait l'explication, il a commenté ses propres paroles. Dans l'explication, il nous dit de manière plus précise maintenant que ces attributs qu'on appelle des attributs affirmés, comment on les a compris maintenant, comment on les a expliqués. Il dit ces attributs maintenant, on va rester sur le terme en arabe, as-sifat ath-thubutiyya, maintenant ceci se subdivise. Il va citer qu'il se divise en deux catégories. As-sifat, donc on a as-sifat ath-thubutiyya ou as-sifat as-salbiyya. Nous on est dans l'explication de la première catégorie, la première sorte qu'il a citée, ath-thubutiyya. Restez bien sur le terme en arabe, affirmé, d'affirmation. Al-Thubutiyya. En sifat al-Thubutiyya, ensuite, chez les savants, beaucoup de savants disent qu'il y a deux sortes de sifat al-Thubutiyya, comme c'est l'avis de Shaykh al-Uthaymeen et d'autres savants, pour bien schématiser, synthétiser, et pour qu'on puisse bien comprendre et avoir une bonne conception de la question. Qala, sifatun ma'nawiyya. Sifatun ma'nawiyya. تدل على معنى وصفات خبرية جاء بها الخبر جاء بها الخبر ولكنها لا تدل على معنى كما يدل عليه القسم الأول ولنا أن نقول هي التي نظيرها فينا أبغاض وأجزاء فهذه نسميها الصفات الخبرية لأن العقل لا يدل عليها فلم يثبتها إلا مجرد الخبر ولأنها ليست معنى من المعاني ولذلك الذين فسروها بمعنى من المعاني أخطأوا وضلوا فالذين قالوا إن اليد هي القدرة والوجه هو الذات وما أشبه ذلك هؤلاء أخطأوا بلا شك والحاصل أن الصفات الثبوتية نوعان ما يدل على معنى والثاني ما يدل على مسمى هو بالنسبة لنا أبغاض وأجزاء ولكن بالنسبة لله لا نقول هذا بل نقول هي يد حقيقية ووجه حقيقي وعين حقيقي وقدم حقيقي وساق حقيقي وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك Donc regardez dans l'explication, Cheikh maintenant il nous dit ces deux catégories d'attributs affirmés, il dit la première, c'est ce qu'on appelle sifat al-ma'nawiyya. C'est ce qui est lié au sens. Ce sont des attributs liés au sens, c'est-à-dire tadullu ala ma'na, elles indiquent un sens. Ce sont des attributs qui indiquent un sens. Liés, donc la première catégorie qu'il cite, des attributs liés au sens. Deuxième catégorie qu'il a citée, ce qu'on appelle as-sifat khabariyya, des sifat, des attributs qui sont liés à l'information, des attributs d'informatif, littéralement, si vous préférez, des attributs d'informatif. C'est-à-dire, il dit, ces attributs-là, l'équivalent, il dit, chez nous, on ne va pas l'exprimer de cette manière, littéralement ça donnerait ça, je vais passer cette phrase, parce qu'en français ça pourrait être, en français si je traduis littéralement cette phrase, ça pourrait être équivoque, pour mieux comprendre, simplement, ce sont des attributs qu'on appelle des attributs d'information affirmative, pourquoi ? Parce que la raison, avec notre simple raison, on n'aurait pas pu concevoir. Notre simple raison n'indique pas cela. C'est-à-dire, notre simple conception et notre raison des choses n'indique pas cela. فَلَمْ يُثْبِتَهَا إِلَّا مُجَرَّدِ الْخَبَرِ C'est-à-dire, ce qui fait qu'ils sont des attributs affirmé, puisqu'à la base ce sont des attributs, c'est une sorte d'attribut qu'on affirme, qu'on confirme, c'est qu'ils sont affirmés. Par quoi ? Par le khabar, par l'information. Allah nous a informés. Allah nous a informés. Donc ce sont des attributs d'informatif. On a eu l'information de cela, sinon notre simple raison n'aurait pas pu concevoir cette chose. On n'a pas affirmé ces attributs-là par rapport à notre raison. Par rapport à notre raison. Donc ce sont une catégorie d'attributs qui sont thubutiyya, affirmés, mais ce n'est pas lié à notre raison, parce que si c'était lié à notre raison, on n'aurait pas pu les affirmer. Mais on les affirme pourquoi ? Parce qu'on a al-khabar. L'information nous est venue. Sinon, notre simple raison n'aurait pas pu confirmer cela. Regardez ce qu'il dit. لأن العقل لا يدل عليها. لأن العقل لا يدل عليها. فلم يثبتها إلا مجرد الخبر. لأنها ليست معنى من المعاني. Pourquoi ? Parce que contrairement, première sorte et catégorie qu'il a citée, liée au sens, celle-ci, ce n'est pas un sens parmi les sens. Ce n'est pas lié au sens, comme il dit. C'est pour ça qu'il dit que c'est... Il va donner des exemples pour mieux comprendre. Mais il dit que ceux, justement, qui les ont interprétés, ces attributs-là, par un sens, en leur donnant un sens, alors ils se sont trompés et ont commis l'erreur. Ont commis l'erreur ceux qui les ont interprétés par le sens, plutôt. Plus littéralement, on revient sur cette traduction, ceux qui les ont interprétés par le sens se sont trompés. Il dit, وَضَلُّ et se sont égarés dans ce domaine. فَالَّذِينَ قَالُوا ceux, par exemple, qui ont dit إِنَّ الْيَدَ هِيَ الْقُدْرَةِ ceux qui ont interprété l'attribut de la main. Chez les gens de la Sunna, dans la doctrine des gens de la Sunna, la main, par exemple, l'attribut de la main, sifat al-yadayn, c'est confirmé. C'est affirmé par les textes, par nos sources. Est-ce que, par exemple, on aurait pu concevoir cela avec notre raison si on n'aurait pas eu l'information? Là, on n'aurait pas pu faire un ijtihad. Là, par exemple, même un grand imam qui a atteint un niveau immense dans l'aïm ne peut pas faire un ijtihad, un grand effort personnel pour déduire sifat al-yad. Pour déduire sifat al-yad, il faut l'information, le texte. Donc là, on affirme, on a cet attribut de l'yad, de la main. Pourquoi ? Parce que le texte nous est venu, c'est mentionné dans les textes. Allah nous informe à son sujet. Et Allah a affirmé cela pour lui-même. Sinon, on n'aurait pas pu, en quelque sorte, l'inventer. Sauf que chez les gens de la Sunna, dans la doctrine, dans la croyance et le dogme des gens de la Sunna, c'est une main réelle. Comme il va dire chez Hakiki, on ne l'interprète pas par le pouvoir. C'est-à-dire que lorsque la main est citée dans les textes, par exemple, le sens voulu, c'est le pouvoir, la puissance. C'est-à-dire que lorsque la main est citée dans les textes, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça sous-entend, ça indique la puissance et le pouvoir d'Allah, Azza wa Jal. Et de ce fait, certains l'ont interprété, on dit le sens de l'yed, c'est Al-Qudra. C'est une interprétation. C'est ça que Shir, ici, nous enseigne. Il dit, ceux qui ont donné, ils ont dit que Fassaro Abimarnan, ces attributs-là, ils les ont interprétés par un sens, parmi les sens, se sont trompés et se sont égarés. En disant, et là il donne des exemples, Al-Yed, c'est dans le sens, ils l'ont interprété par Al-Qudra. Et comme on avait fait allusion dans la dernière assise, certaines doctrines émergentes qui ont émergé dans les siècles précédents dans le monde musulman, parmi les fractions qui sont apparues dans la communauté musulmane, ceux qui ont nié les attributs, eux, ils ont nié directement, ce qu'on appelle Al-Ta'til, Al-Mu'attila. Mais plus tard, une autre doctrine a émergé, d'autres sont venus, ont dit, nous nions pas, nous affirmons, mais eux, ensuite, ont interprété. Donc il y a la différence entre Al-Ta'wil, Ta'wil al-Sifat, qui est venu plus tard, qui est venu après la négation. On a eu les doctrines émergentes liées à la négation des attributs, et ceux qui viendront plus tard, qui réfuteront justement les négateurs, mais eux diront, nous affirmons les attributs. Par contre, il y a le sens de ces attributs. Il leur donne une interprétation, comme on vient de citer. Et Cheikh, il dit, ça c'est une erreur. L'yed, lorsque Cheikh va nous expliquer, c'est une main réelle, dans le sens que ça ne veut pas dire qu'on connaît le comment. On ne connaît pas le comment. On ne sait pas. Sauf que le sens est clair. C'est l'yed, comme il est dit. Par contre, comment ? Allahu a'lam. Est-ce que celle-ci est comparable à la main des créatures ? Non. Est-ce qu'on fait de la similitude ? Puisque temthil, c'est plus le sens, la similitude. Puisqu'on avait expliqué la différence entre teshbih ou temthil. Teshbih, le fait de ressembler d'un aspect, mais pas forcément dans tous les aspects. Mais lorsqu'on dit temthil, c'est le fait vraiment de faire de la similitude. C'est une ressemblance à travers tous les aspects. Hada mithl hada. Mithl, temthil. Teshbih, Yushbih. Il y a une part de ressemblance. Fi wajh ومنحيه من النواحي او في وجه من الاوجه لكن ليس في كل الاوجه لكن التمثيل في كل الاوجه ومثله يعني نو دي ليس كمثله ليس كمثله شيء يعني نو دي rien est on pourrait traduire aussi par semblable similaire égal à lui subhanahu wa ta'ala. Donc l'yed, est-ce que c'est une main? Naram. C'est si Allah azza wa jalla aurait voulu dire la puissance, il dit la puissance. Allah ala kulli shay'in qadir. Il aurait cité la puissance. Si ça sous-entendait, par exemple, un nuzul, la tribu de nuzul, que c'est sa justice qui descend ou sa miséricorde qui descend, Allah aurait dit que sa miséricorde descend. Donc c'est pour ça que Cheikh nous dit, ce sont des attributs réels. Lorsqu'on dit réel, sauf qu'on ne connaît pas le comment. Et rien n'est comparable à lui, subhanahu wa ta'ala. Al-Hasil. Il dit en résumé. Vous comprenez, lorsqu'on dit des attributs, et il va mieux détailler dans ce qui va suivre, des attributs, donc premier, al-Ma'nawiyya, comme il dit, première sorte d'attributs dans les attributs affirmés, des attributs Ma'nawiyya et des attributs Khabariyya. Sauf, vous allez vous dire, mais ça, à l'époque des pieux prédécesseurs, certains mustalahat n'existaient pas. Comme par exemple, Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Asma ou al-Sifat. Ça aussi, certains mustalahat, comme on apprend là, al-Sifat, al-Qasim, al-Kidha wa Kidha, vous avez un seul de compagnons. Que les sahaba, ils ont dit, al-Sifat, al-Qasim, al-Kidha wa Kidha. Celui qui a athar, mashallah, mais même s'il n'y a pas d'athar, les savants, ensuite, plus tard, avec les générations, ont expliqué de cette manière pour nous faciliter la compréhension et pour préserver le dogme du croyant et des musulmans. Sinon, on dirait une personne, est-ce qu'à l'époque de Sahaba, il y avait ilm al-tajwid? Une personne qui nous dit raqiq, ra, par exemple, ou fakhim, à ce moment-là, on dit Sahaba. Ils ont émis toutes ces règles de tajwid, toutes ces règles de tajwid, plus tard c'est venu pour préserver la science, pour préserver le savoir. Pourquoi? Parce que les compagnons pratiquaient cette lecture-là et cette récitation-là, puisqu'ils l'ont appris du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont entendu le prophète, et ils ont pris cela directement du prophète, la récitation du Coran, comme Zayd ibn Thabit, ou Ubay ibn Ka'b, ou Abdallah ibn Mas'ud, et de grands compagnons. Mais vous savez qu'avec les générations et les siècles, le temps passe et la pureté d'une chose ensuite s'oublie. Et les gens ensuite s'éloignent de la pureté de la chose. Pour la garder, il faut émettre des enseignements, comme la grammaire arabe. Pour cela ensuite, plus tard, il y a un athar qui dit, même s'il n'est pas forcément authentique, un athar qui dit que c'est à l'époque de Ali, ensuite qu'il avait ordonné à un homme d'émettre des règles pour la grammaire arabe. Parce que, comme vous savez, connaissez les fatha, les kasra, comment pratiquer, parler à un bel arabe éloquent. Sauf que si ensuite on n'a pas eu ces livres, ces grands imams comme Imam al-Kisai ou al-Sibawayi ou al-Khalil, ces grands imams du Nahu, de la grammaire, de la langue arabe, ensuite, et de grands grammairiens qui sont venus plus tard, qui ont fait des écrits, la grammaire arabe n'aurait pas été protégée, n'aurait pas été préservée. Ilm al-Asanid, la science des hommes et des chaînes de transmission qui s'est faite ensuite avec le temps, c'était pour préserver la sunna du prophète. Et donc ces sciences-là, vous regardez, la lecture du Coran est protégée. Alhamdoulilah. Jusqu'à la moindre prononciation aiguë, grave, c'est protégé. La moindre voyelle, elle est protégée jusqu'à aujourd'hui. Dans tous les coins du monde, les gens, pendant Tarawih, récitent le Coran. S'il se trompe sur une voyelle, il sera corrigé. C'était protégé. Alhamdoulilah. C'est un patrimoine qui est immense. C'est pour ça que lorsque de grands savants, plus tard sont venus, ont rédigé des écrits, des poèmes sur l'importance de la récitation avec les règles, aujourd'hui, vous pouvez apprendre les règles et réciter le Coran comme c'était récité par le prophète et les compagnons plus tard, et leurs élèves et leurs disciples. والأخذ بالتجويد حتم لازم ما لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل هكذا إلينا وصل كم دي الإمام ابن الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم ما لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل كم cela le créateur nous a descendu sa parole et son livre. وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَى. Et comme cela, il nous est parvenu. C'est immense. C'est une science immense. Tajwid, la lecture du Coran, c'est protégé. At-Tarikh, l'histoire des différents empires, des différents peuples, des différentes doctrines, l'émergence des doctrines, c'est protégé dans des livres. On a des livres d'histoire pour ceux qui veulent se spécialiser dans l'histoire. Il y a des livres de référence. Ils peuvent passer leur temps à lire dans les livres d'histoire et se spécialiser dans cela. Ceux qui veulent se spécialiser dans Ilm al-Tajwid al-Qiraat, ils peuvent. Il y a des écrits qui remontent jusque d'anciens grands imams. Ceux qui veulent se spécialiser dans la science du hadith, ils peuvent le faire. Il y a des écrits, il y a de grands livres. Ensuite, il y a différents domaines. Celui qui veut spécialiser dans la biographie des hommes et les chaînes de transmission, il y a des écrits qui nous facilitent. Et vous savez, à force ensuite d'apprendre ces écrits, vous allez maîtriser les chaînes de transmission parce qu'il y a des grands imams, par exemple, ils n'ont pas eu des centaines de mashayikhs de qui ils rapportent. Ces imams-là, ils ont des mashayikhs de qui ils rapportent. Et ils sont comptés. Donc vous apprenez, par exemple, tous ceux qui rapportent d'Abu Huraira, ça s'apprend. Tous les rapporteurs, les disciples d'Abu Huraira. Ensuite, ses disciples ont des disciples. Et ça s'apprend. Et les grands savants, ils mémorisent ça. Tel imam, par exemple, qui est-ce qui rapportait de l'Armesh? C'est rapporté. L'Armesh lui-même, il rapportait de qui? Tout ça, c'est consigné. Donc celui qui veut apprendre et maîtriser les chaînes de transmission avec les hommes, il apprend. Un tel imam, tel disciple, tant de disciples, tant, etc. C'est pour cela qu'il y a même des grands imams, les savants disent, les chaînes de transmission, elles tournent autour de 6. Dans une variante, comme disait un grand imam, si je ne me trompe pas, autour de quelques rapporteurs. Si vous mémorisez ces rapporteurs-là, ensuite de qui ils prennent et qui prend d'eux, vous allez mémoriser. La science est préservée dans les livres et consignée. Vous pouvez apprendre. Al-Mustalahat, les terminologies. Ensuite, les shurur. Lorsqu'on étudie le texte en lui-même, il y a des livres, des anciens livres qui nous commentent les hadiths du prophète. Celui qui veut spécialiser dans le tafsir, il y a les usul tafsir, il y a les principes du tafsir. Vous pouvez revenir à des livres anciens sur le tafsir. Et ensuite, après avoir appris les usul, revenir aux livres de tafsir anciens, jusqu'à Tabari, Ibn Jarir, qu'on a appelé Sheikh al-Mashaykh. Aim al-Aqidah, pareil, pour revenir à notre sujet, la croyance a été préservée. Depuis les premières générations, ensuite, les savants commençaient à rédiger pour préserver la science. Kitab al-Tawhid ibn Khuzaymah, Rad al-Jahmiyyah, fi Sahih al-Bukhari, l'imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, fi Sahihi, Rad al-Jahmiyyah, et aussi Kitab al-Tawhid, l'un des derniers chapitres, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Ensuite, plus tard, des livres ont été écrits, fi l'Aqidah, Kal-Ha'iyyah, l'Ibn Abi Daoud, par exemple, Sharh al-Sunnah. Par exemple, ce qui nous est rapporté de Ahmed ibn Hanbal, imam et Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, Kitab al-Shari'a, l'imam al-Ajuri, Kitab al-Shari'atiqadi Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, l'imam al-Lakai, et d'autres livres. Et certains sont bil-Asanid, comme Shari'atiqadi Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Tout ce qui est rapporté sur Aqidat et Ahl al-Sunnati, c'est bil-Isnad. C'est pour ça qu'ils disent qu'il y a des livres avec des Asanid, c'est avec des chaînes de transmission. Donc, tout est protégé. Mais pour protéger, c'est pour ça qu'il y a des savants qui ont mis des mustalahat pour nous faciliter la compréhension. Sinon, dans les premières générations, les gens n'avaient pas besoin de ces mustalahat, c'était compris. Tawhid al-Rububiyya wal-Uluhiyya wal-Asma wal-Sifat. Les différentes catégories de Tawhid. Lorsque la dérive est apparue dans la nation, à l'époque des compagnons, alhamdoulilah, après le prophète, sallam, le prophète un jour dit à ses compagnons, certes, le shaitan a désespéré d'être adoré dans la péninsule arabique. Ça y est. À un moment donné, vous avez vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ses compagnons, certes, inni nahaytukum an ziyaratil qubur, fazuruha, à présent. À un moment donné, le prophète avait interdit la visite des tombes. Parce que les limites du tawhid, le prophète craignait. Les gens n'étaient pas encore formés. Mais lorsque le prophète ensuite avait inculqué les bases du monothéisme pur et du tawhid, et que les compagnons, mashallah, avaient appris le tawhid avec le prophète, ibadatullah wahdahu la sharika lah. Alors le prophète ensuite leur a dit, je vous ai certes interdit la visite des tombes, mais aujourd'hui visitez-les. فَإِنَّهَا تُذَكَّرُ الْمَوْتِ. Parce que celle-ci, la visite des tombes, nous fait rappeler la mort. Et on comprend maintenant le hadith du prophète lorsqu'il dit قَدْ يَئِسَ الشَّيْطَانَ أَنْ يُعْبَدَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. Le shaitan a désespéré d'être adoré dans la péninsule arabique. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, في جزيرة العرب لما القبائل دخلت وجاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت في الإسلام وأسلمت واعتنقت دين الإسلام فالحمد لله انتشر التوحيد وعبادة الله في جزيرة العرب وقبل انتشار التوحيد في جزيرة العرب قد انتشر الشرك وكان الشرك موجود وهو كان هو الغالب في جزيرة العرب لكن بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة المباركة قد انتشر التوحيد وهو كان الغالب في جزيرة العرب وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Et la vérité ensuite est venue. Et le faux a commencé à se dissiper et à disparaître. Donc le shaitan, il a désespéré d'être adoré dans la péninsule arabique. Les sahaba ensuite, عَلَّمُوا النَّاسِ وَنَشَرُوا التَّوْحِيدِ. Mais ensuite, avec les années, après l'époque des compagnons, l'époque des tabi'in, l'époque, les siècles préférés sont passés, et les gens, lorsqu'on regarde les écrits, déjà à l'époque du shir de l'islam, par exemple, on est au 8e siècle, début 8e siècle, on voit qu'il réfute, qu'il parle des questions de polythéisme, des gens de notre nation qui sont dans l'adoration des idoles, des l'aouliya, des saints, des tombes, des morts, des mashayikh, etc. Ça veut dire que c'est présent à son époque. Plus tard, vous avez vu, lorsqu'on a lu le livre Tajrid al-Tawhid al-Mufid, on avait dit que l'auteur vient largement avant l'auteur de l'univ de l'unicité. Pourtant, son contexte à lui, il ne peut même pas évoquer que ces dires qu'il prend, c'est les dires d'Ibn al-Qayyim. Parce que les gens ont ressombré, ont dévié du monothéisme pur. Plus tard, la darwa de l'imam al-Mujaddid al-Muslih, fi jazirat al-Arab, on voit que les gens, par exemple, parmi les idoles, la tombe de Zayd ibn al-Khattab. Et donc, à la Mecque, dans les territoires sacrés, la péninsule arabique, en son temps, on est au 12e siècle, ça y est, les gens avaient dévié du monothéisme pur. Donc là, il fallait leur inculquer, il fallait les faire revenir, leur expliquer al-Rububiyya, leur expliquer al-Uluhiyya, leur expliquer al-Asma al-Sifat. Vous comprenez pourquoi les savants ensuite leur énumèrent les catégories qu'ils ont pris directement des textes. De même, pour terminer notre assise d'aujourd'hui, c'est pour ça que ces mustalahat-là, c'est pour nous faire comprendre. Quand sont apparues des doctrines, des tendances innovatrices, entre les partisans de la négation, les partisans de l'interprétation, il fallait que les savants mettent au clair et réfutent et répondent à ces ambiguïtés. Donc ils nous enseignent qu'il y a des attributs affirmés et des attributs de négation, niés. Et parmi les attributs affirmés, il y a des attributs liés au sens et des attributs liés à l'information, comme on va le voir bien en détail. Et donc, en quelque sorte, c'est une nécessité pour la préservation du savoir d'émettre des règles et d'émettre des terminologies et d'émettre des mustalahat. Ça, on n'est pas dans le domaine de al-bid'a, de l'innovation. Pourquoi ? Parce que tout est tiré des textes. Si une personne vous dit, mais Mad Dalil, quelle est la preuve de la subdivision de Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Asma al-Sifat ? C'est quoi ta preuve ? Personne ne peut vous dire ça. En fait, vous l'avez inventé. La preuve, déjà, on lui dit, la personne, la preuve, c'est dans le Coran. Lis-tu surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange. Rabbil Alamin. Au Seigneur, Allah a dit Rabbil Alamin. Rabbi, Rubu, Rububiya, Rabbi. Louange au Seigneur de l'univers. N'est-ce pas l'unicité, le Seigneur de l'univers est seul ou non ? Il est seul. Donc, ça indique l'unicité de la Seigneurie. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. N'ont-ils pas compris que lorsqu'ils disent Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ça renferme le sens de l'unicité de la Seigneurie? N'ont-ils pas compris? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tawhid al-Asma wa Sifat. Lorsqu'ils disent le Ar-Rahman, on peut rester en arabe, Ar-Rahim, lorsqu'ils récitent cela, n'ont-ils pas su qu'ils sont en train de réciter deux parmi les noms sublimes d'Allah Azza wa Jal? On est dans, et qu'Allah est seul à être Ar-Rahman. Et Allah est le seul à détenir l'attribut de la miséricorde. Celui qui peut faire miséricorde aux gens. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Donc c'est l'unicité des noms et des attributs. Maliki yawmiddin, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Alors lorsqu'ils disent iyyaka na'bud, c'est toi que nous adorons, ça sous-entend quoi? Iyyaka na'bud wahdaka la sharika laka. Tawhid al-uluhiyya. Sauf que les savants, comme les gens à simple lecture n'ont pas forcément la méditation et la compréhension, les savants leur mettent en lumière. Sauf que c'est pas des choses qu'ils ont tirées de leur propre philosophie, mais c'est des choses qu'ils tirent du Coran et de la tradition du prophète. Ça, c'est très important, parce qu'une personne va vous dire « Tawhid al-uluhiyya, min ayna ja'at hadhihi al-mustalahat, bid'a. » Et lorsque on est trop occupé au qil wa qal, comme certains, les mises en garde, et puis ce qui se dit sur le net, et la curiosité d'un tel foulaine, la vie du voisin, de la voisine, la sœur, qu'est-ce qu'elle a fait, et le frère, etc. Alors sur ça, ils entendent ça, ils peuvent même pas répondre. Et ensuite, ils viennent et disent, Subhanallah, c'est vrai, c'est quoi la preuve en fait? Ça fait 10 ans que je dis ça, mais est-ce qu'on a une preuve en fait? Subhanallah. Ça fait 10 ans que tu lis le Fatiha, tu n'as pas compris qu'il y a Tawhid al-Rububiyya, ou l'Asma al-Sifat, ou l'Uluhiyya. Alors pour terminer la hasil, donc il dit, ce qu'il faut pour le moment garder à l'esprit, bien comprendre, en fait c'est pour avoir une maîtrise du sujet, pour bien comprendre, c'est que les attributs du créateur, la première catégorie qu'a cité l'auteur, qui cite l'auteur, ceux qui sont affirmés, donc il cite, il y a deux sens. Pour résumer très simplement, ceux qui indiquent un sens, ceux qui indiquent un sens, et deuxièmement, ceux qui sont liés à l'affirmatif, mais ceux qui indiquent une appellation. En ce qui nous concerne, nous, par exemple, nous pour les êtres humains, c'est des membres. Je vous traduis littéralement ce que dit l'auteur. Donc la première catégorie dit, elles indiquent un sens. La deuxième catégorie, prouvée, confirmée par l'information, elles indiquent une appellation. Elles indiquent al-musamma, l'appeler. Ou plutôt, elles indiquent l'appeler. En ce qui nous concerne, nous, par exemple, pour nous, c'est une partie. Lakin minis batidla, mais en ce qui concerne le créateur, pour nous, c'est des membres. Mais en ce qui concerne le créateur, il dit, nous ne disons pas ça. En ce qui concerne le créateur, nous ne disons pas ça. Par exemple, vous avez vu les exemples d'attributs qu'on a cités liés à l'information, al-yed ou al-wajh. Nous, pour nous, c'est des membres. Mais pour le créateur, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. C'est-à-dire, pour nous, c'est des parties. Des membres, c'est-à-dire des parties. Mais pour le créateur, il dit, on ne dit la naqulu hada. Qala bal naqul hiya yadun haqiqiyya. On dit juste, il y a l'attribut de la main. C'est une main. Est-ce que c'est une main véritable? Wajhun, il y a l'attribut du visage. Visage comme il est cité. Aynun haqiqiyya. Par exemple, Qadamun haqiqi, saqun haqiqi, wa ma'a ashbaha dhalik. Mais ensuite ça, il va mieux l'expliquer dans ce qui va suivre. qui confirme, il dit, maintenant les preuves, regardez ce qu'il dit, ce qui confirme cela, والحاصل قال فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به. Pourquoi il dit que c'est des attributs véritables? Pourquoi? Parce que il dit pour nous, ces attributs-là qu'on vient de citer, on doit les affirmer. C'est pour ça qu'il dit que c'est des attributs d'affirmation. Ce qui sous-entend qu'on doit les affirmer. C'est obligatoire ou surrogatoire de les affirmer? C'est méritoire de les affirmer ou c'est plutôt une obligation? C'est pas une recommandation? Une obligation, Arsène? Pourquoi? Parce que c'est affirmé dans les textes. Donc c'est une obligation pour le croyant et la croyante de les affirmer. Pourquoi on dit ils sont réels? Et donc on doit les affirmer d'une manière réelle. On doit les affirmer d'une manière réelle. Les alika qala fayajibu ithbatu lillahi ta'ala haqiqatan 'ala al-wajh al-la'iq bihi. On doit les affirmer d'une manière véritable, mais regardez le mais, comme il convient à Allah, au Créateur. Comme il sied à sa magnificence, à sa majesté. Comme il convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut pas s'imaginer l'être humain. Il faut pas s'imaginer nous comment on est. Et ensuite essayer de juxtaposer. Non. Parce qu'en réalité, c'est ce qui a mené les tendances innovatrices et les doctrines émergentes plus tard, dans les premiers siècles, à nier les attributs. Ils ont pensé que ces attributs-là étaient comparables aux attributs de l'être humain. Et donc, ils les ont niés. Or, avec Allah Azza wa Jal, rien n'est similaire et comparable à lui, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il prouve maintenant? Regardez ce qu'il dit, c'est très pertinent. Il va nous dire ce qui prouve ces attributs, premièrement, on est dans la première sorte, affirmés, attributs affirmés. Ensuite, il nous enseigne que les attributs affirmés, il y en a qui indiquent le sens, on appelle ma'nawiyya, et d'autres qu'on appelle khabariyya. Et on va revoir ça plus en détail dans ce qui va suivre. Mais il dit, c'est quoi qui prouve cela? Il dit, dalil sama wa al-aql. Aussi bien les textes, les preuves scripturaires et les preuves rationnelles indiquent cela. Et on prendra les preuves et on continuera dans l'explication de ça, dans la prochaine assise, Inch'Allah. Pour pas que ça soit trop long. Donc la prochaine assise, on reprendra directement à où on s'est arrêté lorsque l'auteur nous dit « Wa amma sam'a faminhu qawluhu ta'ala » et il va citer le verset. Il va citer le verset où Allah Azza wa Jal dit « Ya ayyuhalladhina amanu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi » والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Il cite ce verset concernant السماء. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Regardez ce verset, Sourate An-Nisa, le verset 136. قال فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته. Comment il va déduire de cette preuve? Il dit dans le passage lorsqu'Allah dit يا الذين آمنوا آمنوا بالله آمنوا بالله, ô vous les croyants, croyez en Allah, en son messager, en son livre, qu'il a fait descendre sur son messager, et le livre, Alladhi anzala min qabl, le livre qu'il a fait descendre avant aussi. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, et ceux qui mécront Allah en ses anges, en ses livres, en ses messagers, wa liyawmil akhir, au jour dernier, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Naam. Il s'est certes égaré d'un égarement lointain. Traduction relative. Qu'est-ce qui est cité premièrement? La croyance en Allah. La croyance en Allah nécessite quoi? Croire en ses attributs. C'est pour ça qu'il cite le verset. Donc, le Coran indique le fait qu'il faille croire en ses attributs. Si vous voulez une preuve, parmi les preuves, par exemple, ce verset. Sauf que les preuves sont nombreuses, l'auteur ne va pas toutes les citer. Ensuite, il dit « Wal iman bil kitab » الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله عز وجل وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. C'est très pertinent parce que, regardez, il a cité un verset. Il pourrait citer d'autres versets, mais il s'est contenté de citer un verset. Ensuite, il va citer son argument rationnel. Donc, il cite un argument textuel. Ensuite, il va citer un argument rationnel. L'argument textuel, il a cité un verset, puisque là, le Shir résume. Mais ce verset est très pertinent du fait qu'il dit qu'Allah dit « Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasuli » Donc, Allah nous dit « Oh vous les croyants, croyez en Allah, en son messager et au livre qu'il a fait descendre sur son messager. » Il dit « La croyance en Allah nécessite croire en ses attributs. » La croyance, ensuite, « Al-iman bil kitab » La croyance au livre nécessite de croire tout ce qui est venu dans le livre comme attribut. Et la croyance en son messager nécessite de croire en tout ce que nous a informé le messager au sujet du Créateur. Vous avez vu comment c'est pertinent? Et c'est vrai, simple lecture du verset, on ne va peut-être pas se rendre compte vraiment de l'istidlal dans ce sens-là, puisqu'Allah nous dit, oh vous les croyez, croyez en Allah, donc on doit croire en Allah et ça nécessite de croire en ses attributs, croyez en son messager, donc on doit croire aussi en toutes les informations que nous a enseigné le prophète au sujet du Créateur, tout ce qu'il a affirmé comme attribut pour Allah, croyez en son livre, tous les attributs qui sont mentionnés dans le livre, on doit y croire. Et donc, croire nécessite de les affirmer. C'est pour ça qu'il dit وَالْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْ مُرْسِلِهِ وَهُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا الْعَقْلُ فَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَأَصْدَقُ قِيلَ وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ غَيْرِهِ. Et tout simplement, l'argument rationnel lié à la raison que chacun peut concevoir, la nature saine ne peut que confirmer cela, et dit l'argument rationnel dans l'affirmation des attributs, parce que ça, une personne peut se poser la question, mais c'est quoi les preuves qu'on doit affirmer les attributs? Est-ce qu'il vraiment il faut qu'on affirme les attributs? C'est ça que l'auteur est. Lorsqu'on lit le Coran, oui. Donc, maintenant la raison. Il dit la raison fait que qui est-ce qui connaît mieux le Créateur si ce n'est lui? Le Créateur, c'est lui qui se connaît mieux. Donc si lui, il nous informe à son sujet en disant le tout miséricordieux c'est élevé, établi au-dessus de son trône, on peut que y croire. C'est lui qui connaît mieux. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait décrire le Créateur mieux que le Créateur pourrait se décrire lui-même? Personne. C'est lui qui se connaît. Personne ne peut s'imaginer le comment du Créateur se prendra. Donc, même la logique, la raison humaine, fait que on ne peut que croire et affirmer ce qui est affirmé dans le Coran, ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même. Donc si Allah il dit que le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône et établi au-dessus de son trône, celui qui vient qui dit non, c'est pas possible. C'est pourquoi? C'est un mouvement. On peut pas affirmer de mouvement Allah Azza wa Jalla. Tout mouvement nécessite un corps. Parce qu'un mouvement, c'est ce qu'il advient de la substance. Et tout ce qu'il advient de la substance nécessite la substance. En l'occurrence, ici, la substance serait le corps. Ça, c'est une théorie philosophique qui a été héritée depuis très longtemps, la philosophie grecque à l'époque d'Aristote. La substance, c'est ce qu'il advient de la substance. Plus tard dans le monde arabe, lorsque ça a été traduit, ça a été juxtaposé. Ils ont dit donc, ce qui advient de la substance, c'est comme un mouvement. Le marcher, le toucher, le fait de courir, c'est ce qu'il advient de la substance. L'équivalent, ici l'exemple de la substance, serait le corps. Donc il ne peut pas y avoir de toucher, le fait de courir, de marcher, faire des mouvements sans un corps. Il faudrait un corps. Donc ils ont dit, c'est ce qu'on appelle Al-Arad ou Al-Jawhar. Et là, de ce fait-là, ils ont dit, l'istiwa, c'est un, ils vont te dire, et ils ont dit, c'est un mouvement. Tu es bien d'accord? Tout mouvement nécessite un corps. Et tout corps est créé. Et donc, nous ne pouvons confirmer cela pour Allah Azza wa Jalla. Et ça, vous lisez cela dans des livres anciens. Lorsque vous lisez des livres anciens, lorsqu'ont émergé les doctrines, c'est ça qu'ils mettaient en avant. C'est Ajib. Et c'est pour ça que vous voyez que il y a des savants plus tard qui sont venus, qui ont traité certains sujets qui n'étaient pas traités préalablement avant. Pourquoi ? Parce que les salafs n'ont jamais parlé de ça. Ils n'ont jamais traité de ça. Ils n'ont jamais parlé de ça. Donc les savants, eux, à leur époque, lorsque ça a paru, il fallait y répondre. C'est pour cela, juste pour terminer, regardez. Un grand savant avait donné une belle faïda une fois. Si vous regardez progressivement, la bida commence à s'installer dans la nation musulmane. Au départ, est-ce que c'était fil asma ou sifat? Non. Au départ, il y a eu bid'at al-khawarij. Vous avez vu le khawarij? C'était masalat al-iman. C'était sur la foi, sur les êtres, sur les croyants. Fadahara bid'at al-khawarij, fi zaman al-sahaba. Ensuite, il y a eu le khawarij. Ensuite, zahara al-murji'a. C'est pour ça qu'ils font partie des premières fractions qui sont apparues dans le monde musulman. Là, eux, ils parlaient sur les êtres, les serviteurs. Sahib al-kabira. C'était sur les serviteurs. Mais ça, le débat, il était fimasat al-iman. Le débat, il était sur la foi. Wa zaharat al-qadariyya. Lorsqu'est apparu à l'époque de Abdallah ibn Omar, avec Ma'bad al-Juhani, c'est apparu bid'at al-qadariyya. Lorsqu'ils sont apparus, c'est le qadar. Mais regardez, un savant disait progressivement, ça va venir. Au départ, il ne parle pas sur Allah. Mais progressivement, ils vont commencer à parler sur Allah. Alors qu'au départ, c'est sur la foi, sur les serviteurs, sur les êtres. Ada kafir, il n'est plus musulman, il n'est plus croyant parce qu'il a fait ci. Après, c'est sur ça, progressivement, al-qadr. Mais sinon, à l'époque des compagnons, vous entendez les fractions qui émergent sur l'asma ou sifat ? Allahu a'lam. Plus tard, le débat, ensuite, progressivement, ils vont commencer à parler sur l'entité et l'essence même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là vont apparaître Jahmiya, Wal-Mu'tazila, Wal-Maturidiya, Wal-Kullabiya, et l'akhiri. Et donc le débat sera sur l'asma aussi fait. Donc avec le temps, les savants fallait qu'ils réfutent. Et donc des questions ensuite se sont installées, des formes de philosophie ont été mises en avant comme cela. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad. وآلي وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيكم